On était au 23 décembre 1864. C'était, dans la plus chaude saison de l'année, que devait s'accomplir ce nouveau voyage de Lord Glenarvan. La traversée de la province d'Adélaïde n'offrit rien d'intéressant. Les plaines rappelaient singulièrement les monotones étendues de la Pampasie argentine. Vers 3 heures, le chariot traversa un large espace dépourvu d'arbres connu sous le nom de Mosquito Plains, la plaine aux moustiques. Les voyageurs et leurs montures souffrirent beaucoup des morsures réitérées de ces importuns diptères. À 8 heures, les bœufs, sous l'aiguillon d'Ayrton, arrivèrent à la station de Red Gum. Ce mot « station » s'applique aux établissements de l'intérieur, où se fait l'élève du bétail, cette principale richesse de l'Australie. Le lendemain, Ayrton attela ses bœufs dès le point du jour. Il voulait arriver le soir même sur le territoire de Victoria. L'imperturbable direction des voyageurs, c'était toujours la ligne droite, sans qu'aucun obstacle, lac ou montagne, les obligeât à la changer en ligne courbe ou brisée. Ce fut ainsi qu'après une traite de 60 milles fournie en 2 jours, la caravane atteignit le 23 au soir la paroisse d'Aspley, première ville de la province de Victoria. Le chariot fut remisé par les soins d'Ayrton à Crown Inn, une auberge qui, faute de mieux, s'appelait l'hôtel de la couronne. On mangea beaucoup, mais l'on causa plus encore. Chacun, désireux de s'instruire sur les singularités du continent australien, interrogea avidement le géographe. Paganel ne se fit pas prier et décrivit cette province victorienne qui fut nommée l'Australie heureuse.